scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1966, première émission. En cette année 1966, on fêtera les 85 ans de Picasso, la France se retirera de l'OTAN. On se battra durant une représentation théâtrale, André Breton mourra, Jacques Brel annoncera qu'il renonce au tour de chant, Boudu sera à nouveau sauvé des eaux grâce à Michel Pollack, qui réunira Michel Simon et Jean Renoir pour évoquer ce film. En 1966, par chansons interposées, Antoine et Johnny Hallyday échangeront des propos profonds et définitifs. Le premier souhaitera mettre en cage Aimé Drano, le second, lequel réagira en dénonçant la longueur des cheveux et la petitesse des idées du premier. En 1966, on adaptera Les Beatles en français et l'on se posera au cinéma la question « Paris brûle-t-il ?» Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il a soigné à sa façon. Il faut voir les pavés sauter. Fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres, sur les barricades qui jaillissent dans les rues, chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus, on a gagné, on a perdu, mais on pourra se présenter là. Une fleur au chapeau. On veut être libre à n'importe quel prix. On va vivre, vivre, vivre, vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble quand Paris est en danger. Et le monde chante quand Paris s'est libéré. C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière après la tempête. En cette année 1966, en tout cas telle que les émissions qui lui seront consacrées nous la restitueront sans vaine prétention à l'exhaustivité, on se passionnera pour les variétés de toutes sortes, même pour des titres que votre mémoire a souhaité oublier. Tout de suite, un hit parade. Ah, le hit parade. Sondage, référendum d'une haute valeur scientifique. Plus on entendait une chanson, ça devenait une scie, plus on voulait l'entendre à nouveau et donc plus on la propulsait en haut du podium. Cuivre, batterie, public chaleureux et aimé, et face à lui, un animateur déjà chaleureux et aimé. En écoutant le lancement de l'émission pour jeunes, jeunes de 1966, donc vous ou vos parents ou vos grands-parents, émission télévisée qui avait pour nom Tilt, et pour présentateur Michel Drucker lui-même, nous voici plongés immédiatement dans l'époque. Une petite partie de l'époque, certes. Mais les chansons, on le sait bien, se promènent dans les rues et nos mémoires longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu ou, plus prosaïquement, ont pris leur retraite. Bonsoir à tous et merci à tous les habitants de Douai d'être venus si nombreux ce soir assister à cette émission retransmise en direct depuis votre salle des sports. Voulez-vous jouer au tilt? Bien entendu, vous voulez jouer au tilt. Alors écoutez bien, il y a 10 jours, nous avons proposé une liste de 12 chansons à la population de Douai. 12 chansons qu'elle devait classer dans l'ordre de ses préférences. Ces chansons, vous les connaissez pour la plupart, grâce à la presse, à la radio et à la télévision. Nous allons tout de même vous les rappeler. Avec la lettre A, Christophe, j'ai entendu la mer. Avec la lettre B, Pascal Danel, la plage romantique. Avec la lettre C, Georges Chelon, prélude. Avec la lettre D, Sheila dans Bang Bang. Avec la lettre E, Jacques Dutronc, Ni moi et moi. Avec la lettre F, Michel Orso, Angélique. Avec la lettre G, Pierre Perret, Les jolies colonies de vacances. Avec la lettre H, Michel Polnareff, Love me, please love me. Avec la lettre I, Adamo, ton nom. Avec la lettre J, Alain Barrière, toi. Avec la lettre K, Claude François, le temps des fleurs. Et enfin, la 12e chanson que vous aviez à classer, avec la lettre L, Mireille Mathieu, dans Quelle est belle. Telles étaient donc les 12 chansons que vous aviez à classer, habitants de Douai. Comment avez-vous classé ces chansons? Eh bien, à l'aide de cartes perforées qui ont permis... Voici une carte perforée. Merci beaucoup. Une carte perforée qui a donc permis un dépouillement électronique. Ça a donc été très simple. Mais maintenant, comment a-t-on établi la liste type, la liste gagnante? Eh bien, c'est très simple. À partir des votes, de la moyenne des votes de la ville de Douai, nous avons établi cette liste gagnante. Habitants de Douai, si vous avez trouvé ou si vous vous êtes approché de cette liste gagnante, vous avez gagné. Certes, la France s'amuse. On saura plus tard le résultat de ce hit parade. Mais s'amuser ne dispense pas, par ailleurs, de s'intéresser à l'actualité politique, nationale. Surtout si celle-ci devient franco-marocaine et a commencé comme un sinistre fait divers, un enlèvement en plein Paris. L'affaire Ben Barka a éclaté quelques mois plus tôt. L'opposant marocain a été enlevé boulevard Saint-Germain à Paris, devant le drugstore. On ne détaillera pas ici ce que l'enquête début 1966 a mis au jour. Simplement, on vient d'apprendre le « suicide », les guillemets doivent être entendus, de Georges Figon, l'une des barbouzes impliquées dans l'enlèvement. La police et la justice commencent à mettre en cause le général Oufkir, ministre marocain de l'Intérieur. La France rappelle son ambassadeur de Rabat, lequel a précédemment remis au gouvernement marocain la note qui suit et que lit intégralement le journaliste sur France Inter. L'instruction menée par la justice française au sujet de l'affaire Ben Barka a conduit le juge à la conviction que le ministère marocain de l'Intérieur a organisé l'enlèvement et que le ministre marocain de l'Intérieur et plusieurs de ses collaborateurs directs ont participé personnellement aux dernières phases de l'opération. En conséquence, le juge d'instruction vient de lancer un mandat d'arrêt international contre le général Oufkir, M. Dlimi et Shtouki. La convention judiciaire franco-marocaine dispose dans son article 28, paragraphe 1, conformément à la coutume internationale, que les parties contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. En conséquence, le gouvernement français ne peut se prévaloir de la convention suvisée. Celle-ci prévoit d'autre part, article 28, paragraphe 2, que l'une des parties peut, dans des conditions déterminées, demander à l'autre de poursuivre l'un de ses ressortissants. Mais le gouvernement français, qui s'est déjà efforcé sans aucun résultat d'obtenir du gouvernement marocain qu'il prenne les mesures nécessaires pour que la lumière soit faite, ne peut croire que l'application de cette clause répondrait en l'espèce aux conditions nécessaires à la manifestation de la vérité. Il estime en conséquence qu'il n'est pas possible, sur le plan franco-marocain, d'envisager cette affaire d'un autre point de vue que du point de vue politique. À partir du moment où un membre du gouvernement de l'un des pays est mis en cause de telle manière, il s'agit d'une affaire de gouvernement à gouvernement. Dès l'origine et à plusieurs reprises, l'ambassade de France au Maroc a fait connaître au gouvernement marocain le point de vue du gouvernement français et marqué que celui-ci, faute de mesures prises à Rabat, serait contraint de tirer les conséquences inévitables de la situation qui a été créée. Étant donné que l'instruction a fait apparaître les conclusions qui ont été rappelées ci-dessus, et faute de toute action du gouvernement marocain, le gouvernement français, à son grand regret, est conduit à rappeler son ambassadeur à Rabat. Voilà, c'était donc le texte intégral de la note qu'a remise aujourd'hui l'ambassadeur de France au Maroc, M. Gillet, au gouvernement marocain. La France décide de rappeler son ambassadeur à Paris, ce qui ne signifie pas pour autant que les relations diplomatiques sont rompues. En fait, le gouvernement français place maintenant l'affaire sur un plan politique, sur celui des rapports de gouvernement à gouvernement, vous venez de l'entendre. Il faut rappeler ici la déclaration faite par le roi Hassan II ce matin à l'occasion de la cérémonie de vœux de l'Aïd Esrir. Oui, le souverain chérifien a en fait couvert le général Oufkir, son ministre de l'Intérieur, et le directeur adjoint de la Sûreté nationale marocaine, le commandant de Limi. « Vous n'ignorez pas, a dit le roi du Maroc, que des rumeurs et des accusations graves ont été portées contre le corps de la Sûreté nationale, et en particulier contre notre ministre de l'Intérieur et le directeur adjoint de la Sûreté nationale. Nous ne doutons pas un seul instant, a ajouté Sa Majesté Hassan II, de l'intégrité de ce corps, la Sûreté nationale, après les accusations portées contre lui. » Il faut retenir que cette note française se réfère aux démarches entreprises dès l'origine de l'affaire Ben Barka auprès du gouvernement marocain. Le 4 novembre dernier, le chef de cabinet de M. Couve de Murville, M. Malo, se rendait à Rabat. Le 11 novembre, l'ambassadeur de France au Maroc venait en consultation à Paris. Et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi ces démarches n'ont pas fait l'objet d'une grande publicité et pourquoi des précautions ont dû être prises dans les premiers jours de l'enquête, ne serait-ce qu'en raison de considérations diplomatiques. À ces démarches, il faut ajouter celle faite le 17 novembre. Ce jour-là, la France délivrait une commission rogatoire au ministre de l'Intérieur marocain demandant l'extradition de Bouchesèche, ce truand français qui participa à l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Le gouvernement français demandait ainsi la coopération du gouvernement marocain à la recherche de la vérité dans les conditions prévues par la convention judiciaire franco-marocaine. Mais à aucune de ces demandes, il n'a été donné suite et c'est la raison pour laquelle la France rappelle son ambassadeur, M. Gillet, quittera Rabat demain dans la journée. L'instruction pourrait connaître des développements importants dès lundi, dès demain. Demain après-midi, en effet, le juge Zolinger recevra l'ancien avocat de Figon, le député UNR de Lyon, Maître Lemarchand. Mardi, le juge recevra celui qu'on appelle déjà le témoin clé et qui serait un journaliste de l'hebdomadaire américain Newsweek. Ce journaliste doit apporter au palais de justice la bande magnétique sur laquelle a été enregistré le récit de Georges Figon dans lequel l'ancien truand racontait l'assassinat de Mehdi Ben Barka. Une partie de ce récit a déjà été publiée dans l'hebdomadaire L'Express. En ce qui concerne Maître Lemarchand, des bruits ont couru selon lesquels il aurait rencontré Figon après l'enlèvement de M. Ben Barka. Mais Maître Lemarchand a démenti ses propos samedi sur nos propres antennes, celles de France Inter. Mardi également, le juge Zolinger procédera à une confrontation entre le frère du disparu, M. Abdelkader Ben Barka, et un commissaire des renseignements généraux, M. Al-Qaïd. Enfin, c'est au début de la semaine qu'auront lieu les obsèques de Georges Figon, dont le permis d'inhumer a été délivré samedi par le juge d'instruction Auric. Le juge d'instruction a d'ailleurs terminé le dépouillement de tous les objets et dossiers découverts dans le studio où Figon a été découvert mort. Et puis, en ce même hiver, la France se retire de l'OTAN. Décision ainsi justifiée par le général de Gaulle au cours d'une conférence de presse le 21 février 1966. Rien ne peut faire qu'une loi s'impose sans amendement quand elle n'est plus d'accord avec les mœurs. Rien ne peut faire qu'un traité soit valable intégralement quand son objet s'est modifié. Et rien ne peut faire qu'une alliance reste telle qu'elle quand on changeait les conditions qui étaient celles dans lesquelles elle avait été conclue. Dans ce cas-là, il faut adapter aux données nouvelles la loi, le traité, l'alliance. Si on ne le fait pas, alors les textes seront vidés de leur substance et ce ne seront plus, le cas échéant, que de vains papiers d'archives, à moins que il ne se produise une rupture brutale entre ces formes désuètes et les vivantes réalités. Eh bien, la France, si elle considère qu'aujourd'hui encore, il est utile à sa sécurité et à celle de l'Occident qu'elle soit l'alliée d'un certain nombre d'États, et notamment de l'Amérique, pour leur défense et pour la sienne, dans le cas d'une agression commise contre l'un d'entre eux, si la France tient la déclaration d'intention qui donna lieu à l'Alliance Atlantique, conclue le 4 avril 1949 à Washington, si la France tient cette déclaration d'intention, cette alliance, toujours pour valable, elle reconnaît en même temps que les dispositions d'application qui ont été prises successivement et par la suite ne répondent plus à ce qu'elle juge, en ce qui la concerne, satisfaisant dans les conditions nouvelles. Je dis les conditions nouvelles. En effet, en raison de l'évolution intérieure et extérieure des pays de l'Est, le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. D'autre part, tandis que se dissipe, tout au moins dans une certaine mesure, la perspective d'une guerre mondiale éclatant à cause de l'Europe, voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam, ces conflits peuvent, en vertu de la fameuse escalade, prendre une extension telle qu'on aboutisse à une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie est dans l'OTAN la stratégie de l'Amérique, y serait automatiquement impliquée dans la lutte, même si elle ne l'avait pas voulu. Et ce serait le cas de la France, si l'imbrication de son territoire, de ses communications, de certaines de ses forces, de plusieurs de ses bases aériennes, de tel et tel de ses ports dans le système de commandement américain devait subsister plus longtemps. Il faut ajouter que notre pays, devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique, est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques que cela comporte, et responsabilité que leur nature et leur dimension rendent évidemment inaliénable. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Les extraits de journaux radiophoniques, c'est fidèle, représentatif, explicatif parfois dans ce qui arrive dans un pays. L'actualité en dehors des informations, on peut également la dénicher dans la fiction. Et très rapidement, dans le cas de certains feuilletons, qui n'hésitent pas, qui s'amusent en fait, à parodier la réalité toute fraîche. Sur France Inter, Pierre Dac, sans Francis Blanche, propose « Bon baiser de partout ». Et, écoutez bien, nous sommes en avril 1966, propose un code des enlèvements, dessine une géographie germano-pratine explicite. Le feuilleton est une distraction, mais tout de même, c'est culotté. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Chut. Donc, pendant que dans ce luxueux chalet juché au sommet du Gewürztraminer, aux environs d'Interlaken, Inter-1829, alias Nicolas Leroy-Deck, discute avec Ludovic van der Zatikulerij de la vente des plans du Biglotron, à Paris, Zorbeck Le Gras et Wilhelm Fermtag mettent au point le plan d'action qui permettra l'enlèvement de Memmen. Rappelons en effet à l'auditeur distrait que les services du colonel de Guerlas ont arrêté Arthur Guldebaum, l'homme de main de Zorbeck Le Gras. Celui-ci va tenter de le faire sortir de prison en proposant au colonel de l'échanger contre Memmen, la délicieuse compagne de Nicolas Leroy-Deck. Fermtag, même vous, vous vous y êtes laissé prendre. Je vous ai abordé dans la rue et vous ne m'avez pas reconnu. Votre déguisement est remarquable, je vous l'ai déjà dit. Bon, si nous parlions maintenant de choses sérieuses... Parce que vous croyez que je me suis déguisé dans le seul but de vous faire rire? Permettez-moi de vous faire remarquer, mon cher ami, que je n'ai pas ri. Je sais. Vous ne riez jamais. Si j'ai fait tant d'efforts pour me rendre méconnaissable, c'est parce que j'ai l'intention de rendre visite à Memmen. Et je ne veux pas qu'elle puisse me reconnaître. Nous allons l'attendre à la sortie de son usine. Non, vous savez bien que Memmen ne va plus chez Duflac et Petit Binet depuis plusieurs jours. Elle ne travaille plus, voyons. Elle est malade? Non, elle en avait assez d'être petite main dans une usine de joints de culasse. C'est pourtant passionnant. Oh, le plus beau métier du monde. Ah, pour l'enlèvement, comment allons-nous procéder? Par ordre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est pourtant évident. Comment faut-il procéder? Mais par ordre, il faut toujours procéder par ordre. Oui. À quels sont les ordres? Voyez-vous, Fermtag, au cours du premier enlèvement, nous avons négligé ces règles essentielles qui, depuis celui des Sabines et ça ne date pas d'hier, jusqu'à des actualités plus récentes, ont toujours présidé à la bonne marche des enlèvements. Je ne sais pas de quelles règles vous voulez parler. Si nous avons échoué la première fois, c'est surtout, il me semble, parce que nous nous sommes trompés de personne. D'accord, Fermtag, mais cette erreur était la conséquence du non-respect du code des enlèvements. Que faut-il pour réussir une opération de ce genre? De l'audace et de la détermination. Oui, vous n'avez pas tort de le faire remarquer. Mais croyez-moi, ces seules qualités ne sont pas suffisantes. La réussite de cette opération dépend de plusieurs facteurs. Le lieu, l'heure, le prétexte et le personnel choisi. Vous savez que je suis toujours avide de m'instruire. Je vous écoute. Le lieu d'abord. Vous pensez bien qu'on n'enlève pas n'importe qui, n'importe où. Le lieu choisi est très important. Le drugstore de Saint-Germain-des-Prés, dans le contexte actuel, me semble tout indiqué. Pas d'enlèvement réussi sans le drugstore de Saint-Germain-des-Prés. Mais sous quel prétexte attirer ma main au drugstore? Question des plus logiques, Fermtag. Vous voyez, quand on respecte les règles du genre, on pose immédiatement les questions qui s'imposent. Un prétexte, mais un seul prétexte, voyons. Le cinéma. C'est fou le nombre de gens qui sont attirés par le cinéma. On a beau leur dire que ça ne rapporte plus un rond, ils veulent tous en faire. En faire et damnation, bien entendu. Bon, ça fait rien, demain soir. Je commence à comprendre. Vous allez dire à ma main que vous lui donnez rendez-vous pour faire du cinéma. Bravo, Fermtag, vous avez compris. C'est étonnant, mais vous avez compris. Maintenant, passons au personnel nécessaire. Il nous faut un directeur d'aérodrome et deux policiers. Mais des vrais, hein? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Il est nécessaire également d'avoir à sa disposition une villa située en Seine-et-Marne et appartenant à un truand notoire. Et croyez-moi, quand nous disposerons de tout ceci, l'enlèvement de Memmen est dans la poche. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett. France Culture, en partenariat avec l'INA, les années 60, 1966. L'année 1966 est-elle une année Marcel Proust? A priori, d'un strict point de vue commémoratif, non. 1971, centenaire de la naissance, le sera. Certes, il n'est pas besoin de date particulière pour célébrer Proust, tout de même. En 1966, paraît en France le premier tome de sa biographie, signé George Painter, un volume publié en Grande-Bretagne dès 1959, qui avait donc attendu 7 ans avant d'être traduit. L'occasion pour France Culture, cette année-là, de diffuser des entretiens avec la princesse Bibesco, entretien dont vous entendrez dans quelques instants un extrait. Mais actualité Painter, donc. En attendant la princesse Bibesco, voici un passage du Masque et la Plume, de la même époque, dans lequel François-Régis Bastide et Michel Pollack effectuent un sondage express auprès de leur public pour savoir qui a lu et qui n'a pas lu à la recherche du temps perdu. Ici le Théâtre 104, maison de l'ORTF à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Polac présentent leur magazine public, réalisé avec le concours de Annie Cœur de Vais et de Gérard Frémy au piano, Le Masque et la Plume. Bonjour spectateurs du Théâtre 104, bonsoir auditeurs de France Inter, voici aujourd'hui une émission consacrée à la littérature. Il faudrait absolument qu'on demande aux spectateurs d'avoir la franchise de dire s'ils ont lu Proust jusqu'au bout et si certains n'ont pas abandonné au bout de 50 pages ou de 2 volumes. Parce que je crois que c'est important de le lire. Alors voilà, il y a des mains qui se lèvent, c'est merveilleux. Jusqu'à il y a 2 mois, j'avais toujours essayé de lire Proust et j'y étais jamais arrivée. J'ai abandonné au bout de 10 pages, quoi. C'était peut-être trop vite. Et puis depuis 2 mois, il y a 2 mois, j'ai recommencé. Et puis je viens de finir à l'ombre des jeunes filles en fleurs et je commence le suivant et puis j'arrête pas, quoi. Ah, bon, c'est intéressant. Alors, et vous avez, voyons, vous avez commencé pourquoi? En livre de poche ou... Oh non, parce que d'une façon idiote, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était vraiment une pierre dans mon jardin de ne pas l'avoir lu. Alors j'ai fait un petit effort, je l'ai lu. Vous avez dit que c'était une pierre dans votre jardin. Ah ouais. Et alors maintenant, ça va tout seul. Ah oui, mais je dois dire que c'est surtout la description des aubépines dans du côté de chez Swann qui m'a fait continuer. Je l'ai lu 15 fois, c'est 10 lignes, c'est formidable. Bon, c'est une aubépine dans votre jardin, c'est oui, pas c'est une ça. Pierre. Bien, c'est facile. Bon, merci. Bien, j'arrive pas à lire. Il n'y a pas de problème. Quoi ? J'arrive pas à lire. J'y arrive pas. J'arrive pas à lire plus loin que la 15e page, que j'ai pas la patience, et puis c'est tout. On aime ou on n'aime pas. La première fois que j'ai essayé de lire Proust, j'avoue que je suis pas allée plus loin que la 30e page, mais 3 ans après, je m'y suis remise et j'avoue que j'ai parcouru ça avec beaucoup de plaisir. Parcouru. Enfin, parcouru, non, lu. Pas parcouru, non, c'est pas vrai, parce que ça peut pas se parcourir. Oui. Mais j'étais vraiment prise par l'atmosphère et ça m'a vraiment plu. C'est et ça. Je suis allée jusqu'au bout. Et vous allez jusqu'au temps retrouvé. Oui. Bon, vous avez eu l'impression d'attraper comme un virus. Oui, j'avais essayé de lire Un amour de Swann la première fois. Et après, j'ai repris le premier volume du Temps perdu et vraiment, ça m'a passionné. Bien. Est-ce qu'il y a un lecteur masculin, parce que je n'entends que des voix féminines? Ah, il y a un monsieur, oui. Jeune homme. Eh bien, j'ai commencé à lire Proust quand j'étais en seconde et j'ai tout à fait été séduit et j'ai continué jusqu'à la fin. Et il y a quand même, je crois, un mystère Proust qu'il faudrait expliquer, parce que, incontestablement, il a un style très difficile à suivre. Ses phrases font 3 et 4 pages, et ensuite, il décrit une société épouvantable, viciée. Vraiment, l'atmosphère proustienne, c'est pas quelque chose à recommander. C'est une société oisive, vicieuse. Et pourquoi est-ce que ça plaît quand même? Je voudrais qu'on explique ça. C'est une question très précise, merci. Mademoiselle, monsieur, pardon. Je suis masculin et je n'ai pas été jusqu'au... Je n'ai pas été jusqu'en seconde, mais je suis entré dans le monde de Proust et j'aimerais bien y rester toute ma vie. Merci beaucoup. Bien. Moi, j'ai eu le privilège, si l'on peut dire, de lire Proust très peu de temps après sa première parution. On m'avait prévenu, on m'avait dit, si vous pouvez aller jusqu'à la 100e page, vous irez jusqu'au bout. J'ai été jusqu'à la 100e page et jusqu'au bout avec, je dois dire, fébrilité. Mais il faut que je précise que c'est la musique et la peinture, et surtout la musique, qui m'a fait entrer de plein pied dans l'univers de Proust. La petite phrase de la sonate de Vinteuil, c'est quelque chose qui m'a immédiatement mis dans un univers nouveau, et j'ai lu, relu et relu Proust, et je crois que je sais des pages par cœur, et je trouve que c'est le plus grand écrivain du siècle. Bon, merci beaucoup. La température remonte, oui. Insensiblement. Mais madame, vous dites que vous avez lu Proust très peu de temps après sa parution. Je ne veux pas vous faire de grossiers compliments, mais vous n'étiez pas vieille non plus. Oh non, j'avais 17 ans. Oui, et dans votre milieu où on lisait plus probablement des romans de Paul Bourget ou de René Boilev. Ah, pas Proust... du tout. J'avais des universitaires dans ma famille et c'est eux qui... Ils lisaient peut-être Bourget et Boilev, après tout, ils ont fait des choses qui étaient pas mal du tout. Oui. Mais ils avaient, dès la naissance de Proust, si je puis dire, ils ont tout de suite été absolument passionnés, ils faisaient du prosélytisme, et c'est comme ça que j'ai été amené à lire Proust assez tôt. Bon, parce que lire Proust, c'était quand même très audacieux. Oui. Bien, vous avez été très sage à la table d'écouter tout cela sans mot dire. Il faut quand même parler de cette grosse brique qu'est le livre de... Demi-brique d'ailleurs, comme dit Mathieu Gallet, car ce n'est que le premier tome d'un livre de M. George Painter, qui est, comme vous le savez peut-être, car vous avez peut-être vu une interview de lui à la télévision, vous avez lu des articles sur lui, qui est au British Museum, où il est spécialiste de je ne sais quels incunables, extrêmement compliqués. C'est un érudit extrêmement scrupuleux qui a consacré 15 ans ou 17 ans ou 12 ans, je ne sais jamais exactement, de sa vie à Proust et qui a écrit ici le premier tome qui va de 71 à 1903, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à la mort du père et par conséquent jusqu'au début de la recherche du temps perdu, et qui a écrit là un véritable monument qui nous manquait. Sans doute Georges Painter, enquêtant en France, avait-il rencontré la princesse Bibesco. Cette dernière se confie au micro de France Culture le 27 septembre 1966. France Culture vous propose une série de 6 entretiens de la princesse Bibesco avec Claudine Schoner. Aujourd'hui, 5e entretien. Vous avez naturellement, puisque vous avez connu tout le monde, et tous les écrivains en particulier, tous les grands écrivains, vous avez bien connu Marcel Proust. Et vous avez d'ailleurs, dans vos livres, raconté sur lui plusieurs anecdotes pleines de tendresse, mais qui ont un certain côté tragique. Eh bien, pour changer un petit peu, peut-être pourriez-vous nous raconter quelque chose d'un peu plus comique, ayant naturellement un rapport avec votre amitié personnelle avec Marcel Proust. Voilà, vous me posez une question très habile. Parce que, évidemment, que dans l'arsenal de ces anecdotes, il en est que je n'ai pas écrites. Et pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite, je n'en fais pas secret, mais il me serait préférable de vous raconter le dialogue comique entre Marcel Proust et une reine, sans avoir besoin de nommer cette reine. Mais vous y êtes dans cette... Oui, ça... Vous dites un dialogue, oui. Mais c'est un dialogue. Trilogue. Non. Je ne suis pas intervenue dans la conversation. Mais vous avez assisté personnellement. J'ai assisté personnellement à la scène qui s'est déroulée à Paris, place Vendôme, à l'hôtel Ritz. Pour situer l'atmosphère, vous savez que Proust fréquentait beaucoup l'hôtel Ritz et on l'avait présenté ce jour-là à une souveraine qui se trouvait de passage à Paris. Vous savez, nous allons jouer au jeu du portrait, les auditeurs et moi, tout à l'heure. Parfait. On nous trouverons... Voilà. La personne qui avait informé Marcel Proust sur les goûts littéraires de cette souveraine était mon cousin Antoine Bibesco. Antoine Bibesco était assez célèbre pour savoir amener les gens à se confesser sans qu'ils s'en doutent. Il posait aux gens des questions très directes et il obtenait d'eux des réponses non gardées, si on peut dire. Ce qui faisait naturellement notre joie quand nous étions des êtres jeunes et très disposés à nous moquer les uns des autres. Or, c'était Antoine Bibesco qui avait expliqué à Marcel Proust que les goûts de la souveraine... disons son titre, de la reine à laquelle il devait être présenté, était plutôt porté sur les romans de Jack London que sur la haute littérature. Mais, de son côté, la reine avait été informée que la personne qu'elle allait voir était un très grand écrivain. Elle n'avait pas lu une ligne de Marcel Proust, inutile de vous le dire. C'était un échange... pour ainsi dire, de valeurs qui ne se reconnaissaient pas entre elles. Proust s'était laissé entraîner parce qu'il s'intéressait, comme vous savez, à tout ce qui portait un certain prestige qui lui faisait reprendre son fameux temps retrouvé à l'envers. Donc, une souveraine pour lui, c'était quelque chose qui lui permettait de remonter le temps. Ils se rencontrent dans un salon du rez-de-chaussée de l'hôtel Ritz, devant lequel je ne peux pas passer sans me souvenir de cette histoire, car elle est en effet assez drôle. La première question que la souveraine posa à Marcel Proust, puisque il était homme de lettres, ce fut de lui dire « Monsieur Proust, comment écrivez-vous ?» La réponse vint « Peu, difficilement, rarement, jamais. » « Ah !» dit la reine sans méfiance, « ça n'est pas comme moi. Moi, cela vient de source, c'est tout de suite que je pense, que j'écris, que je formule ma pensée, et je peux vous le dire, c'est absolument comme un torrent irrésistible. » Proust devait peut-être bien s'amuser intérieurement. Il s'amusait beaucoup parce que Antoine l'avait averti que non seulement cette reine avait peu de lecture, mais qu'elle avait beaucoup d'écriture. Et là-dessus, le rideau est tombé sur cette dernière affirmation que chez la reine, l'inspiration allait de soi et coulait de source, et que chez Marcel Proust, elle était empêchée par toutes sortes d'obstacles qu'il n'arrivait pas à vaincre. Elle avait l'excuse, évidemment, qu'elle ne savait pas quel immense écrivain était Marcel Proust. Et au fond, à l'époque où se passe la chose, est-ce que tellement de gens savaient que Marcel Proust était un immense écrivain ? Pas les gens du monde, et en montant à l'école sociale, pas les souverains. Pas encore, mais Swann avait cependant paru. On en était déjà arrivé à l'ombre des jeunes filles en fleurs, pour dater complètement mon histoire. Mini-jupe de votre courage, un bidonville et deux Mireilles, une nouvelle piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs, une nouvelle d'arc qui brûle les planches, une religieuse, un cacharel, des cheveux longs, des idées courtes, un vieux Paris, un Paris 2, des paravents à l'Odéon, un palmarès de la chanson est toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose, et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi. Oui, toi. Une guerre au Vietnam, un mariage en Hollande, pour bientôt un petit smet et la mort d'un poète, caméra sur la lune, un drugstore opéra, des chemises à fleurs, un étrangleur, une bombe dans la mer, opération Tanner, Juanita Banana, un four à l'opéra, un homme et une femme au festival de Cannes, un tabarin en moins, un palladium en bus, et toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose. Et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi. Oui, toi, mon petit raton laveur. Les paravents de Jean Genet a été chahuté, enfin la pièce a été chahutée hier soir à nouveau à l'Odéon Théâtre de France. Une dizaine d'étudiants de l'école préparatoire de Saint-Cyr ont bruyamment manifesté leur désaccord avec le thème de la pièce qui, je vous le rappelle, est situé en Algérie au moment des événements de ces dernières années. Certains, pour réchauffer l'ambiance, ont allumé un feu de Bengale au troisième balcon. Ils ont ensuite bombardé la scène d'une façon systématique à coups de tomates, de boulons d'acier. Quelques eux-mêmes s'écrasèrent au pied des comédiens. C'était une première escarmouche. La seconde fut plus sérieuse. Une bombe fumigène atterrit au premier rang de l'orchestre et ce fut le signal de la révolte. Le reste du public, favorable à la pièce, chassa les manifestants de la salle. L'un d'entre eux devait d'ailleurs être arrêté par la police. Claude Guérini assistait hier soir au spectacle de l'Odéon et à l'issue de ce spectacle, il a recueilli l'opinion de spectateurs favorables à Jean Genet. On a réussi à faire à peu près honneur à la pièce en faisant parler vraisemblablement de Genet, faisant connaître la pièce à un public qui ne le connaissait jamais sans ça. Ils ont atteint exactement le but contraire à celui qu'ils voulaient atteindre. Est-ce que vous avez eu, vous, au cours de cette représentation, l'occasion d'apprécier les qualités théâtrales, s'il y en a selon vous, de cette pièce? C'est une pièce qui est montée. Je trouve que c'était assez difficile de la monter. Il fallait avoir le courage de le faire. Je suis entièrement d'accord qu'il y a des choses qui ne passent certainement pas la rampe parce qu'elles sont un peu crues. C'est pas une raison pour attaquer non pas ce qui est cru dans un théâtre, mais ce qui ne peut vous plaire pas au point de vue idée, alors que c'est parfaitement mineur dans la pièce. Est-ce que ces manifestations vous ont gêné? C'était ma question. Plutôt, oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir apprécié la totalité de la pièce? Certainement pas. Est-ce que vous reviendrez la voir? Est-ce que vous la conseillerez à vos amis? Malheureusement, je crains que les manifestations que vous avez faites ne permettent peut-être pas à la pièce de rester très longtemps en scène. C'est dommage. En tout cas, je suis content que vous n'ayez raison, enfin, du moins que, disons, que les manifestants, puisqu'il s'agit des manifestants, non pas de l'ORTF, n'aient pas réussi à faire interrompre la pièce. Je crois que c'est la réussite des acteurs sur scène et puis de ceux qui sont dans la salle. Pas d'incident dans le spectacle qui suit. À la télévision, l'émission de Michel Drucker, Tilt, est consensuelle. Depuis un moment, vous, les auditeurs arrivés à l'heure, vous vous demandiez, un peu angoissé, dans quel ordre était classée la liste des chansons proposées par la ville de Douai, qui accueillait l'équipe de Tilt en 1966. Attente récompensée, mais faites preuve d'un minimum d'attention, le règlement est complexe. Et maintenant, quelle est la liste type? Quel est le Tilt du mois? Écoutez, regardez. Et nous commençons. A été classée en 12e position la chanson qui portait la lettre C, Georges Chelon dans Prélude. A été classée en 11e position la chanson qui avait la lettre J, Alain Barrière dans Toi. A été classée en 10e position la lettre F, c'est-à-dire Michel Orso qui chantait Angélique. A été classé en 9e position avec la lettre E, Jacques Dutronc qui chante Et moi, et moi, et moi. Jacques Dutronc est là ce soir à Douai, Et moi, et moi, et moi, Jacques Dutronc. Avec ma vie, mon petit chez moi. Autre spectacle dans l'actualité, beaucoup plus sérieux, un duo littéraire. Nous avons un autre sujet d'intérêt aujourd'hui, c'est cette apparition cet après-midi d'Elsa Triolet et d'Aragon à l'Odéon Théâtre de France. Il ne s'agit pas d'un récital, il ne s'agit pas d'une conférence, il ne s'agit pas d'un spectacle, il s'agit plutôt un petit peu de tout cela à la fois. C'est une manifestation qui prend place dans la série de conférences-spectacles organisées par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Je précise tout de suite que Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault seront là. Ils sont également sur les planches, sur la scène, en compagnie d'Elsa Triolet et d'Aragon, en compagnie aussi d'Edwige Feuillère et de Jean Desaye. Oui, et en fait, Elsa Triolet, je crois qu'il s'agit avant tout d'une biographie littéraire. C'est en réalité une biographie littéraire. Pour les œuvres croisées, nous avons écrit des préfaces à chacun des romans. Nous avons raconté comment l'œuvre est née, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, et ceci nécessairement devient un reflet de l'époque dans laquelle ce roman a été écrit. Et les nôtres par la communauté des préoccupations qui nous ont habité l'un et l'autre avant même que nous nous soyons rencontrés. Elsa était en Russie dans sa jeunesse et elle était mêlée au milieu qui était celui des futuristes russes, comme moi j'étais à ce qui était ici celui des surréalistes. Et la mémoire dans tout cela, que devient-elle ? Eh bien, ayant vécu les mêmes événements, ayant vécu ces événements-là ensemble, nous les avons certainement interprétés ensemble. Si nous avons été arrêtés, par exemple, par les Allemands, eh bien, nous avons été arrêtés ensemble. Il n'y a pas deux points de vue là-dessus. Et pour le reste, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement une question de mémoire. La chose importante, c'est la réaction de chacun. Et notre réaction à l'un comme à l'autre est quand même... je ne suis pas comme Baudelaire, je ne dirais pas « sœur », mon enfant, ma sœur. Mais enfin, elle est tout de même parente de quelque nom plus intime que vous l'appeliez. Il y a un sous-titre à cette manifestation, il y a le mot « dialogue ». C'est d'abord un dialogue entre vous deux et un dialogue entre le public, entre les comédiens. Comment allez-vous pouvoir l'organiser ce soir ? Eh bien, nous avons fait un montage. Nous avons fait un montage qui reprend donc notre biographie littéraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la lecture des préfaces montées avec des illustrations par des textes. C'était évidemment très, très difficile de détacher, surtout dans la prose, des pages qui tiennent le coup tout seul. C'est comme d'arracher une plume à un oiseau. On ne le voit pas, l'oiseau. C'est plus facile, peut-être, de lire un poème tout seul que de lire deux ou trois pages de prose. Allez-vous répondre à d'éventuelles questions ? Je ne pense pas qu'il y ait le temps. Qu'est-ce qu'on en a deux heures dans une soirée, et encore sans entracte, c'est déjà très long pour la patience d'un public. Or ici, il s'agit effectivement de ce que nous avons écrit, de ce que nous sommes. Nous avons laissé s'en constituer et aider à s'en constituer une double image. Ça remplit les deux heures. Nous avons pris les choses qui nous ont paru à la fois auxquelles nous tenions l'un l'autre dans l'œuvre de l'autre et la nôtre, et en même temps essayer sur des thèmes essentiels de constituer une ossature à la soirée. Par exemple, une grande partie de la soirée tient à un problème qui est probablement le plus important de l'époque à laquelle nous vivons, enfin, je parle de ces dernières années de notre vie, qui est le problème de la jeunesse. J'ai une question un peu plus intime à vous poser, finalement. Je voudrais que vous nous disiez, l'un et l'autre, comment vous voyez votre couple aujourd'hui, peut-être en tant qu'homme et femme dans cette société du milieu du XXe siècle, et en tant qu'écrivain. Car j'imagine que c'est un fait presque unique pour l'instant. Alors, parlez-nous de ce couple. Comment le voyez-vous et comment le construisez-vous ? Car, en fait, le couple, c'est quelque chose qui se construit chaque jour. Bien, vous savez, c'est peut-être un sujet d'étonnement pour les autres, mais absolument pas pour moi. J'ai très peu de choses à dire à ce sujet. Et nous nous sommes rencontrés par hasard, deux êtres qui se conviennent de toutes les manières. Alors, ça dure et ça dure et ça dure. Mais autrement, c'est un gros lot qu'on gagne, c'est un trésor qu'on trouve, c'est une chance, encore une fois une chance. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet, c'est une question de hasard. Et vous, Aragon ? Eh bien, puisque vous voulez que je dise des choses intimes, je dirais que quand nous nous sommes rencontrés, Elsa m'a dit « si ça dure un an, ce serait bien joli ». Après quoi, elle m'a dit « si ça dure 3 ans, ce serait bien joli ». Après quoi, on n'en a plus parlé. Aragon évoquait le surréalisme. On apprend le 28 septembre 1966 la mort d'André Breton. Le journal parlé donne l'information, avec en prime un beau lapsus dans le lancement. L'information la plus récente aujourd'hui pour nous, c'est le décès d'André Breton, survenu hier soir à l'hôpital La Riboisière. André Breton avait 70 ans. Claudine Chenez est chez Philippe Soupeau en ce moment et j'aimerais que Philippe Soupeau nous dise qui était Aragon. Philippe Soupeau, nous sommes tous bouleversés, bien sûr, par la mort de Breton, que beaucoup d'entre nous aimaient profondément et qui, de toute façon, même pour ceux qui ne l'aimaient pas, et malheureusement il y en avait quelques-uns, demeure un très grand poète de notre siècle. Alors, je vous laisse dire tout simplement ce que votre chagrin peut vous dicter. Vous savez, ce que vous me demandez, c'est extrêmement cruel. Parce que naturellement, j'étais l'ami d'André Breton depuis 1917. C'est Guillaume Apollinaire qui me l'avait présenté et qui estimait beaucoup Breton, qui le considérait comme un poète authentique. Et puis, nous avons été des amis pendant quotidien, si je puis dire. Nous avons parlé de poésie, nous avons même créé cette revue avec Louis Aragon, la revue Littérature. Nous avons essayé de créer un lien entre les générations, mais nous nous sommes vite aperçus qu'il n'y avait pas moyen. Et à ce moment-là, l'esprit révolutionnaire de Breton, car il faut bien dire une chose, je crois qu'il serait content que je le dise cela, c'est que Breton fut avant tout un révolutionnaire. C'est vraiment la révolution permanente. C'était Breton. La révolution permanente, il l'a cherchée toute sa vie. Et je peux dire, je peux en témoigner, puisque j'ai travaillé avec lui, nous avons en somme travaillé en collaboration pour ce livre qui est le début du surréalisme, qui a été Les Champs Magnétiques. C'est à cause de lui que nous avons créé ce qu'on a appelé l'écriture automatique et qui a été la source du surréalisme. Les Champs Magnétiques, c'est la source du surréalisme. Mais avec son esprit, car il ne faut pas l'oublier, Breton avait un esprit théoricien. Il a, après ça, écrit le Manifeste du surréalisme. Et en effet, où il a, si vous voulez, condensé toutes nos conversations depuis plusieurs années. Après ça, évidemment, il y a eu des difficultés, il y a eu de second souffle, il y a eu tous les camarades. Et Breton avait un besoin extraordinaire de camaraderie. Il était besoin d'être entouré d'amis. Besoin de camaraderie ou besoin d'autorité ? Non, c'était pas tellement l'autorité, c'était l'amitié. Et même, il y avait une chose curieuse chez lui, je lui reprochais assez. Il adorait toujours ce qu'il brûlait, il brûlait toujours ce qu'il avait adoré. Ce qui lui a donné une silhouette, si vous voulez, une légende assez fausse, à mon Justement, avis. Justement, c'est là où je voulais en venir, oui. Car vraiment, moi, j'ai des preuves. Enfin, j'ai eu un drame terrible dans ma vie. Eh bien, je me souviens toujours de ce qu'a fait André Breton ce jour-là. Nous avons retrouvé une amitié de 50 ans. Je me souviens, c'était sur les bords de la Seine d'où nous parlons, et où j'ai senti que vraiment, non seulement c'était un homme dur, si vous voulez, mais c'était un homme tendre aussi. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait écrit ce chef-d'œuvre qui s'appelle L'amour fou. Ah, j'allais vous dire, est-ce que vous ne croyez pas que Breton restera dans les siècles, je le pense vraiment, avant tout comme le grand poète qui a eu cette expression admirable et qui toute sa vie a chanté L'amour fou ? Je crois, voyez-vous, je ne suis pas tout à fait de votre avis, je crois que Breton restera comme le grand poète des Champs Magnétiques. Parce que, au fond, il a fait faire une étape à la poésie. Nadja aussi, mais Nadja et tout ça, ça vient des Champs Magnétiques, oui. Vous comprenez ? Au fond, il a été dominé par cette espèce de découverte, et je crois que son influence demeurera extrêmement forte, parce que non seulement il est un théoricien, mais il est un poète, et à mon avis, je vais vous dire une chose qui, je crois, lui ferait plaisir, je crois qu'il a presque la même importance qu'a eu Arthur Rimbaud. Ah, mais je le crois volontiers, ça, je trouve ça tout à fait naturel. Et je vous remercie, Philippe Soupeau, malgré votre grand chagrin, d'avoir bien voulu parler si bien de cet André Breton que tant de gens pleurent aujourd'hui à Paris, dans la France et je crois dans le monde entier. Mort de saison, l'amour est en rase campagne. Elle est partie, ma paysanne, avant le temps de la moisson. Morte saison, elle a renié mon bout d'asile. Paraît que l'amour dans les villes à de plus vastes horizons. Morte saison, elle a mis mon cœur en jachère. Elle a pensé que de ma terre ne sortirait plus rien de bon. Ne sortirait plus rien de bon. Mort saison, pas même un épi d'amour tremble, plus un soupçon de pouce tendre qui dorme au creux de mes sillons. Morne saison, elle a mis mon cœur en jachère. Elle m'a dit qu'il pourrait se faire, qu'elle en sème un jour pour de bon. Si là-bas ça ne tournait rond. En quelle saison? Ne faudrait pas trop que ça tarde. À force temps, plus grande garde, plus sans épines, mes chardons. C'était les années 60, aujourd'hui 1966, première émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand, le jeune, et Hervé Evano. Mixage Claire Levasseur, une émission de Philippe Garbi, réalisation Annie Douel. À suivre et d'ici là à télécharger ainsi que les précédentes sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.